Et on finit avec nos immanquables du dimanche de ce Hellfest 2025. Toujours avec Bob et Jack de Road to Hellfest, le podcast qui chronique des groupes qui passent au Hellfest tout au long de l'année. Les gars, j'espère que vous êtes pas. Enfin, que vous avez encore un peu d'énergie pour finir cette grosse journée du dimanche qui est encore une fois assez riche. Tu rigoles, j'espère. On est à combien là? On a 1h30, 2h? On est même pas chaud. Hein. Même pas chaud. Bah écoute, Bob, je te propose d'en terminer avec tes recommandations en nous parlant de ce dimanche. Ok. Moi, j'ai choisi Une Misère, qui est un groupe de metalcore formé en 2016. C'est un groupe islandais de Reykjavik. Voilà. Que dire? Ils ont un album sorti en 2019, Sermon, s'appelle. Voilà. De base, je suis pas un gros fan moi de metalcore, mais là, j'ai été assez séduit par la proposition de Une Misère. Et c'est aussi ça qui m'a poussé à aller voir, parce que justement, n'ayant pas de groupe de metalcore de cocher sur mon Hellfest 2025, et je me suis dit pourquoi pas une bière. Ah, Voilà. c'est comme ça que t'as choisi, c'est en disant tiens, j'ai pas de metalcore, celui-là, allez. Ah, c'était pas. Non, pas vraiment, mais ça fait partie du truc, ça fait partie du processus, tu vois. J'entends bien. J'y ai pensé après, bien sûr. Mais voilà, non, j'ai beaucoup aimé. Donc, il y a aussi ça qui m'a peut-être un peu aidé. Tout Ok. simplement. Vas-y, Jack, si t'as des choses à dire sur une misère. Oui, non, bah, je m'en souviens. Avait plutôt bien plu à l'ensemble du podcast. Hein. On avait bien aimé le groupe. Je me souviens que. Ouais, en fait, on avait tous bien aimé. Et c'est juste parce qu'il y avait un autre groupe de la même journée qui a été un peu plus haut. Mais en fait, sinon, c'était lui aussi qui finissait groupe la semaine. Oui, je suis comme Bob, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est vrai que là, aujourd'hui, précisément à cet instant T, je ne me souviens pas trop du côté metalcore. Mais comme je ne me souviens pas tellement non plus de l'autre style que ça pourrait être. Je vais rester là-dessus. Mais je me souviens non, que j'avais beaucoup aimé. Je me souviens surtout d'une forte énergie en live qu'on voyait pas mal. Et que quand on en avait parlé à l'époque, c'était vraiment un groupe. C'était une bonne semaine. Hein. Je vois qu'il y avait eu beaucoup de oui cette semaine-là. Il y avait aussi Queen of the Swarm, Gorilla Biscuit donc, et Majestica. Tiens. Bref, non, comme Bob, j'ai beaucoup aimé Une Misère. Moi j'en ai. Enfin, je l'avais noté comme étant un groupe que je pouvais aller voir, mais étant donné que j'étais persuadé que Bob allait nous parler d'un autre groupe ce soir, Il a pas raison. je suis pas allé réécouter Une Misère, donc je peux. J'ai enfin, vraiment aucun souvenir Non, musical mais de ce que ça avait donné. Donc puis comme toi, hein, là vraiment, je pensais pas à ça non plus, donc. voilà. Donc tout ce que je peux dire, c'est que je n'irai pas voir Une Misère, même si musicalement, visiblement, d'après ce que j'ai coché, j'étais ok pour y aller, parce que en face, il y a Fitouth qui m'a plus convaincu, voilà, et dont j'aurais pu parler ce soir comme un groupe, voilà, immanquable. Vas-y, je t'en prie, Jack, tu peux nous parler de ton groupe du De mon dimanche. dernier groupe, à C'est ça. savoir Aluc Todolo, qui est une nouvelle fois un groupe français originaire de Grenoble, cette fois formé en 2004. Hein. Donc ça fait quand même un petit moment qu'ils sont déjà là et que je ne connaissais pas du tout. La petite particularité, c'est que c'est quand même un groupe qui est essentiellement musical, hein, qui va jouer dans plein de styles différents. Ça va être du rock psyché, du black metal, du noise rock. En fait, il y a un petit peu plein de trucs. Ils ont même nommé ça de l'occulte rock. Et en plus, il joue beaucoup sur une espèce d'esthétique où ça doit être sombre, il doit y avoir très peu d'éclairage. Normalement, il y a juste une seule ampoule qui passe devant eux, qui bouge comme ça et qui les éclaire. Alors après, j'ai vu des lives où, ah bon, ils avaient gardé le côté sombre et noir et blanc pour garder l'ambiance, mais il y avait un peu quand même de backlight derrière, mais ça venait pas trop éclairer. Mais ils essayent de garder cette ambiance-là. Et du coup, moi, ce qui m'a beaucoup marqué pour ce groupe, c'est que c'est une des rares fois où quand j'écoutais le groupe, je ne comprenais pas ce que j'écoutais en fait, comme si j'étais je n'avais pas les capacités pour comprendre. Et ça m'a énormément bousculé, en fait, dans mes repères, de me dire, en fait, chaque fois qu'il y a une proposition musicale que le groupe se permet de faire, je m'y attends pas, ou je suis surpris, je j'ai pas de repères, je sais jamais où je suis, en fait. Et c'est très c'était une sensation très agréable quand justement tu as l'habitude de retomber tu sais, bêtement tous les 4 temps sur ce truc-là ou tout ça. Quand tu tombes sur un groupe déjà qui le fait pas, tu es content, mais quand là tu as déjà pas, enfin, t'as plus aucun repère du truc, c'est une sensation qui est d'une certaine façon assez nouvelle. Et ça m'a vraiment perturbé dans le bon sens, et ça a été une forme de découverte un peu claque, en mode waouh. Parce que je me suis vraiment dit à un moment donné, je n'ai pas le niveau pour apprécier ce groupe, quoi, parce que il est assez austère, je trouve, quand tu arrives dessus. Et derrière, faut vraiment s'investir pour essayer d'arriver à aimer, quoi. Un petit peu à la manière de Sun Ho, le groupe de Drone, où faut aussi un peu sur un total autre niveau, mais tu ne peux pas forcément aimer de la première écoute, toi. C'est un truc, faut y aller, quoi. Faut prendre le temps de creuser, mais tu as un tout petit truc comme ça pour creuser, donc c'est très très très très long, mais c'était incroyable. Mais Proposition, en tout cas. au final, tu as réussi à rentrer dedans parce que tu dis que tu n'as pas réussi dans un premier temps à comprendre. À force d'écouter, Bah, tu as quand même fini par l'apprécier. oui, tout à fait, mais en me disant, en plus, j'en ai encore à découvrir. J'en ai encore. C'est comme. C'est pas fini, en fait. Le chemin n'est pas fini. Ok. Parce que c'est pas du tout, en fait, du coup, le même, la même sensation quand t'apprécies. Toi, c'est pas. En général, on a des fois tendance à dire que la musique, c'est assez immédiat comme sentiment. C'est tu le prends, t'aimes ou t'aimes pas. Après, tu peux prendre le temps d'essayer de découvrir pourquoi t'aimes ou t'aimes pas, ou creuser. Ça peut être. C'est assez rapide, on va dire. Radical comme sensation. Et là, c'était pas un truc genre j'aime pas, je vais pas aller plus loin. C'était vraiment un truc genre je suis un peu perdu, j'ai du mal à comprendre le truc, qu'est-ce que j'écoute, quoi. Ok. Bah, tu vois ce que tu cites de je ne rentre pas, je n'aime pas et j'arrive pas à aller plus loin, c'est exactement ce que ça m'a fait. En fait, j'ai écouté, je me suis dit ok, d'accord, mais c'est pas pour moi et j'y trouve rien de. C'est pas mauvais, mais j'y trouve rien qui fait que j'ai envie d'écouter ou de voir ou de. Voilà. Après. Tant C'est mieux si radical, voilà, c'est vraiment c'est un truc. voilà, j'ai écouté, je me suis dit bah non et tant pis, j'irai voir d'autres choses. Voilà. Mais ça, très clairement, c'est un groupe sur lequel je ne te suivrai pas. J'entends. Voilà. Après, je précise aussi que cette année, j'avais un peu une DA un petit peu différente des autres années, où je me suis dit, je favorise aussi les expériences. Tu vois? Là, par exemple, mes autres groupes, on était sur des vrais coups de cœur qui m'ont touché. Là, on est aussi plus aussi sur une expérience. Tu vois, je peux très bien arriver là-bas, voir un truc visuellement, et peut-être qu'au fond, à la fin, je dirais, bah, c'était fou, mais je me suis fait chier. Ça pourrait m'arriver, tu vois, vu que c'est pas facile d'accès. Mais j'ai quand même vu des choses assez pour me dire, il y a un truc à tenter. Bob à Luc Todolo, tu as écouté toi? J'ai écouté. En fait, j'ai pas la patience, moi. Bah, vraiment, c'est. Là, pour le coup, j'ai pas la patience d'essayer de rentrer dedans parce que faut vraiment, tu vois, c'est ça le truc. Autant, moi, ça me dérange pas les musiques un petit peu spéciales, enfin spéciales, un peu barge, un peu tout ça, c'est complètement ma came, mais là, je sais pas, c'est. Pour moi, c'était trop en longueur, tu vois, vraiment. Et j'y arrive vraiment pas. Donc, j'ai fait le fameux non. Oui, Non. et puis c'est quand même très de. C'est pas barge, en fait. La proposition, elle n'est pas barge. La proposition, elle est. Tu ne sais pas. Donc, du coup, ça, c'est le manque de repères, Ouais. hein, qui est très Bah, violent, je c'est trouve. ça. Mais ouais, non, franchement, j'ai pas réussi. Vraiment, j'ai pas réussi. À Luc Todolo, c'est. Donc, pareil, non, je te suis vraiment. Hein. Je suis désolé, mais là, pour le coup. Je comprends. Hein. Je suis même pas sûr de me suivre moi-même. Hein. Attention. Hein. C'est mon âme. Attention. Ouais. Surtout si tu t'emmènes à l'apéro en plus. Bah, non. Oui, en plus, c'est dans un coin dangereux, ce truc-là, non? De mémoire. Ah oui, oulala. Temple, ouais. Temple. C'est très, très dangereux C'est par très là. dangereux. Oula, 13h30. Oulala. T'as un coupe-gorge qu'on appelle ça. Exactement ça. Ouais. Bah écoutez, c'est à mon tour de terminer avec mon immanquable. Bah alors initialement, je voulais parler de Black Bile, mais il s'est passé certaines incompréhensions qui ont fait que je suis parti sur un autre Oui, non, groupe. mais Non, mais je viens de t'inquiète. me rendre compte que oui, C'est c'est de pour ma ça. faute, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Mais écoute, je suis aussi très content de pouvoir parler de Grave Cult, même si j'ai un petit peu moins préparé en termes d'informations par manque de temps. Mais c'est un groupe bah, français, encore une fois, qui va ouvrir la Temple donc de 11h à 11h30. Ils proposent, alors, ils sont annoncés comme occult rock. Bon, au final, c'est surtout un mélange de black, de punk et de speed metal. Donc, ce mélange. Oui, Jack? T'allais Ouais, parler? j'allais dire, ils sont pas annoncés comme du black and roll. Non, ils sont pas annoncés Ouais. black and roll. C'est ce qui Ah non, pour m'a faire un peu court, surpris. je l'aurais Ouais. dit. Ouais, parce que pour moi, c'était comme ça qu'ils étaient catalogués de ma petite mémoire. Bah, écoute. Rock occulte, ils sont catalogués sur l'appli du Hellfest. Oh, mais à la pite du Hellfest. Ah Tu te oui, fies à ça, bah toi? Il est fou, lui. Tu ça. regardes, là, j'ai par exemple. French Metal, Grave Cult est un groupe de black and roll. Voilà. C'est ça que je... Ouais. Mais bon, c'est des détails, c'est des détails. Bah, on est sur. Voilà, musicalement, on est sur. Ouais, bah, c'est ça, un bon équilibre entre ces trois styles-là. T'as une batterie très speed metal, un peu tu vois, ou punk, très toc toc toc toc toc, mais tu sais, sur un rythme, La motorette, quoi. voilà, un peu, voilà, à la Motörhead, un truc moyen en termes de vitesse, mais qui est assez simple, mais qui revient bien. Et autour de ça, ils te construisent les morceaux avec bah, des éléments black qui sont très sympas. Non, franchement, j'ai passé un bon moment à les écouter. Ils ont quand même, c'est un groupe qui est encore jeune, qui est formé, merde, j'ai oublié de noter la date, mais qui est formé depuis 2-3 ans seulement, si je me souviens bien, et qui ont déjà deux albums sortis ces 2 dernières années. Enfin, pas en 2025, mais en 2024 et en 2023, ce qui est quand même bah, preuve qu'ils ont des choses à dire et des choses à sortir. Voilà, je suis bien curieux de voir ce que ça peut donner. Je pense qu'on va pas retrouver la folie qu'on peut voir dans certains black and roll. Je pense notamment au. Mince, aidez-moi. Agbellartak. Agdelar Tak, mais qui sont un peu on va dire, un peu les rois du sujet en termes de style, dans ce style-là. Ouais, c'est un peu. Enfin, moi j'ai une sensation un peu moins foufou qu'Agdelar Tak, par Ouais, exemple, si on doit le plus comparer. sérieux. Ouais, Ouais. bah, peut-être avec un côté plus esprit black, on va dire. Ouais, plus Voilà. méchant. Ouais. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Bah, avec peut-être des sujets aussi un peu plus, on va dire noirs. Voilà. Donc ouais, pour moi ça a été aussi une très bonne découverte et un groupe que je manquerai pas le dimanche matin. Je sais pas Jack si ou Bob si vous avez Bah, t'es un écoute, avis dessus. on l'a. Bien sûr qu'on a un avis dessus parce qu'en plus on en a déjà parlé aussi dans le podcast et il se trouve que à cause de moi, on a raté Grave Cult en concert parce qu'il passait au Lunatic et c'est vrai que on devait rap. En fait, j'ai fait un peu le même truc que tu as fait toi pour Utorius la dernière fois. C'était le dernier groupe à passer, Grave Cult, et j'avais un peu envie de rentrer. Il faisait pas beau, il y avait la route à faire. Et donc j'ai un peu demandé, bah, est-ce qu'on n'irait pas les gars? Je sais qu'ils n'ont pas été chiants et qu'ils ont dit, ouais, d'accord. Et je sais que Bob l'a mal vécu parce qu'il ne m'a pas parlé pendant 15 jours après. Il m'envoyait que des messages, il disait juste Grave Cult. Et il n'y avait pas de bonjour, au revoir, Grave Cult, Grave Cult. C'est ça. Et ce qui était très chiant parce qu'entre deux, on a quand même fait un épisode de podcast. Il a parlé l'air de rien, genre on était potes et tout. Et dès que c'était terminé, il me disait Garf Galt! Puis après, donc il m'en a quand même tenu un petit peu rigueur. C'est l'occasion de rattraper ça, quoi. Et non, parce que c'est un frérot. Et donc, entre frérots, ça marche pas, ce genre de truc. On s'en veut pas, on se soutient, nous, on est comme ça. On est une famille. Et je me suis excusé déjà en plus. Plutôt, j'ai présenté mes excuses. Il a chié dessus, carrément. Mais la question n'était pas là. On est des frérots. Donc, ouais, non, c'est un groupe qu'on a. Enfin, c'est un groupe que j'aime bien. Je suis peut-être moins partagé que mon collègue. Vous allez voir quand il va en parler. Mais j'ai beaucoup aimé aussi. Mais par contre, je crois qu'il y avait moi, de mon côté, un autre groupe en face qui faisait que je n'irais pas voir Grefg. Pardon. Calcine ou Bastardine? Et voilà, c'était Bastardane, c'était le groupe, mais j'en reparlerai donc tout à l'heure dans les groupes à noter. Bon, moi, je peux une petite aparté maintenant, mais juste moi, Bastardane, depuis que le groupe existe, en fait, j'ai eu un véritable coup de cœur. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait le fils de James Hetfield dans le groupe. Arrêtez, c'est pas lié. Non, non, j'ai vraiment bien aimé la proposition Bastardane. Et en fait, je me suis dit en plus que j'aurais plus l'occasion de ne pas aller voir Grefg une autre fois ailleurs que de rater Bastardane, vu qu'apparemment, je rate Grefg. Et que je vais pas le voir. Mais j'ai beaucoup aimé quand même Grefg. Et toi, le Bob? Ah, le Bob. Le Bob, il a bien aimé. Il a même très très bien aimé Grefg. Ce qui est dommage, c'est de les avoir loupés. Parce que c'est vrai que derrière, il y a Bastardane, mais il y a aussi un autre groupe que j'ai eu à chroniquer à Calcine. C'est C'est vrai, la c'est ligne vrai. de la mort qui pue, ça. Franchement, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai redécouvert ce style en fait avec le groupe Midnight, qui était passé en 2022, je crois, sur la super édition, non? C'était avant, non? 2020. On les avait vus, Midnight, non? On les a pas vus? J'ai pas vu Midnight, non. Attends, bah tu mets le doute. Je check. Tu les as peut-être vus tout seul. Je check, je check. Ouais, tu les as peut-être vus tout seul. Non, non, bah je Et viens c'est vrai de. que quand j'ai découvert Grefg, j'ai tout de suite accroché. J'aime beaucoup ce style un peu speed black and roll, c'est complètement ce que j'aime. Donc 2022, t'as raison. ouais, donc Tu as totalement voilà. raison. Et comme tu disais tout à l'heure, tu vois, ce serait tout à fait le style de groupe. J'achèterais l'album volontiers. Enfin, j'achèterais les albums volontiers. Surtout pour l'instant, ils en ont deux, donc c'est tout de suite plus facile. Mais j'hésite encore vraiment. Hein. Je ne sais vraiment pas si je serai devant ou Bastardane ou devant Grefg, devant Calcine. Mais vraiment, comme ça, je dirais oui, complètement. Tout ce qu'ils proposent me plaît, donc. Bah écoute ça. Donc on est à peu près tous d'accord. Ah oui, Même si on ne mais... sera pas forcément tous devant, on est tous d'accord sur la qualité. Écoute, souvent Jack, ça au final. Hein. comment? C'est souvent ça au final. On va souvent tomber d'accord sur le fait que tel ou tel groupe est de qualité, mais qu'on va pas pouvoir aller le voir parce qu'on en voit un autre qui est lui aussi de qualité, quoi. Ça va être souvent ça la problématique dans ce genre de festival où il y a tellement. Bah après, des fois, il y a des questions de goût aussi qui font que certains groupes s'éliminent automatiquement. La qualité, tous ont des qualités, bien sûr. Mais certains groupes s'éliminent aussi par les préférences musicales des uns et des autres. Ouais, oui, tout à fait. Écoute, Jack, je t'en prie, commence à Chaque nous sortir ton problème. énorme liste Non, mais non, de mentions. je vais pas la sortir en public quand même, mon énorme liste. Bastardane, hein, j'en ai parlé ou pas? Je sais pas, est-ce qu'il y a le Ouais. fils de Non, James? non, Non. Bah, c'est vachement pas mal hein, quand même. Hein. Petit groupe un peu stoner qui en plus. En fait, voilà. Moi j'ai une règle dans la vie. Elle est très simple. Quand la bière est vide, faut... Non, c'est pas ça. J'ai une autre règle dans la vie. Quand on est un fils d'eux et qu'on veut faire de la musique, c'est tout à fait normal, on ne doit pas suivre les traces de ses parents. C'est sale. je D'accord? pensais que tu allais dire qu'il fallait pas prendre le fils de Lars Ulrich. Et si, parce que les deux fils de Lars sont un groupe à eux qui n'ont rien à voir avec Metallica non plus. Et je trouve ça très bien. Parce qu'au moins, il y a un truc un peu plus sincère. Comme à l'inverse, par exemple, d'un Vandy. Bon, voilà. Bref, Bastardane, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Ma seule crainte est de les voir en main stage où je pense que j'aurais préféré. Quoi je pense? Je suis sûr que j'aurais préféré les voir sous une tente ou en vallée peut-être, mais un truc un peu plus, enfin un peu moins grand parce que ils sont encore un petit peu jeunes et je suis pas forcément sûr que, en fait, les groupes de main stage si tôt le matin, c'est toujours un petit peu casse-gueule en fait. Même si le groupe est bon, il peut des fois manquer un chouï d'expérience ou de se, enfin pour que ça, on perde un petit peu. Bon après, ils ont déjà joué sur des très grosses scènes circulaires arpentées par un autre grand groupe. Bref. Ça aide un peu. Voilà. Oui, ça aide un peu, mais J'imagine. c'est pas que pour ça, d'accord? J'aurais pu vous parler de Priest aussi, parce que quand même, hein, la Synthwave, c'est de la vie. Je déconne. J'espère ne pas citer trop de groupes que vous allez pouvoir... Enfin, plutôt, je ne cite pas des groupes en espérant que vous allez le faire. C'est Ah, tu tordu, mais je le fais. compléteras après si jamais. Ouais, voilà. Donc, je vais vous parler peut-être un petit peu de Kaileza, qui est un groupe qui est connu, pas connu en même temps, dont j'ai fait une capsule dessus, qui était assez intéressant, où il y a un chanteur et une chanteuse guitariste. C'est du heavy metal américain, mais pas que. C'est un peu, ça mélange du sludge, du psyché, du cross-punk, avec des albums bien différents. Et franchement, ça vaut le détour. Pourrait aussi plaire à Bob, mais ça pourrait beaucoup plaire à Bob. Pas dans le même ordre que The Midnight Ghost Train, mais vraiment, c'est un autre groupe qui pourrait lui plaire. Kaileza, très très très très bonne découverte de cette année. Je laisse Bob faire cette blague-là parce qu'il va en parler de ce groupe-là. Je te la laisse. Je parlerai aussi de un petit peu de Refuse, parce qu'un peu comme Orange Goblin, bah, ils arrêtent. Et sans déconner, Refuse, ils ont ce truc-là de... Bon, les premiers albums sont top. Sur la fin... Peut-être un petit peu moins macam directement, mais il y a une énergie chez Refuse, il y a un truc de malade qui en live, franchement, il y a à la fois de l'énergie et je trouve que le chanteur a une espèce de classe sur scène en plus. Enfin, il y a un truc, on les a déjà vus, hein. C'est un peu chiant de les voir en main stage, mais comme c'est un des derniers concerts où on pourra les voir, putain, mais le chanteur, quoi, genre, il a fait une espèce d'attaque cardiaque il n'y a pas très longtemps, je crois, un an ou quoi, et genre, moins de 15 jours après, il retournait sur scène. Et puis c'est la fin, C'est un quoi, le bon groupe. concert. Ouais, mais il le mérite. Pas du tout, je vois pas pourquoi je dis ça. Et en dernier, je parlerai d'un groupe un petit peu, on se demande, qui est donc The Covenant, hein, dont on a eu l'occasion de parler, qui est un peu, qui perd tout le monde. Voilà, c'est un groupe qui perd tout le monde. Un peu de métal indus, c'est pas trop macabre, mais ils ont... Il y a un petit quelque chose dans leur début que j'aimais bien, surtout dans leur deuxième album. Parce que c'est un groupe qui n'a pas arrêté de changer un petit peu de style à chaque album, tout en évoluant, tout ça. Et là, on attend, parce que je ne sais plus ça fait combien de temps, ça doit faire peut-être 18 ans, je crois. Qu'on n'a pas eu quelque... Enfin, c'est une date, un temps monstre depuis qu'il n'y a pas eu de nouvelles chansons et même que se remettent à jouer ensemble. Donc, c'était une petite découverte aussi, un peu différente, encore dans le côté expérience. Voilà. Donc je m'arrêterai là en espérant que vous allez dire les autres groupes que j'ai volontairement laissé de côté, les gens. Vas-y Bob, je t'en prie, complète cette belle liste. Ok. Alors, pour ma part, j'avais Refuse, forcément. Là, rien. En Warzone, j'avais Pain of Truth. J'avais bien aimé leur hardcore. Plutôt efficace. Ça réinvente pas le style, mais c'est efficace. Gorilla Biscuit. Groupe de hardcore aussi. Ils avaient sorti deux albums il y a un bon moment de ça. Je crois qu'il y a bien presque 30, 40 ans. On doit des années 80, je crois. Groupe new-yorkais, ouais, de hardcore. Ils reviennent parce qu'en fait, ils avaient arrêté pendant très longtemps et ils reviennent là depuis peu. Knuckle Loose aussi. Parce que je pense que ça va être un sacré bordel, ils sont en tête d'affiche, donc ça Bonne va être un façon de sacré finir, merdier, je pense. bonne façon de finir le festival en plus. Ouais, carrément, ouais. Je pense que ça va être sympa. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mesa, qui est plutôt un bon groupe à voir aussi, ouais. Jerry Cantrell, forcément, hein, qui va certainement nous reprendre du Alice in Chains, hein, donc pourquoi pas. Y a des chances. Voilà. Oh, il y en a un autre en Valais. Y en a un autre en Valais? Bien sûr. Le quatrième. Ah oui, bah oui, Players. Prayers. T'en as parlé, non? Ah non, je te l'ai laissé, j'en ai rien dit. Ah, tu me l'as laissé. Oui, donc toi, tu t'avais parlé de Killer. Ah non, t'en Quand? as pas. Ah, T'en as... Priest, d'accord, oui. Donc, Ah, j'ai Prayers, parlé de oui, tout à Priest. fait. Moi, j'ai parlé de Priest. Oui, tout à fait, mais c'est parce qu'ils sont sortis en même temps. Oui, c'est vrai. On les a eu en même temps, et du coup, Priest, Prayers, c'est un. Mais oui, Palmolive, tout à fait. La villa et le loco. Le CD. Oui, alors, pourquoi pas? Ça peut être une expérience. Pour ceux qui. Intéressez-vous un peu au groupe, hein, comme ça vous ferez votre Vous aimez propre. les gangs? Oui, voilà, c'est ça. Mais il est Les gentil gangs. comme tout, hein, c'est Un voilà. amour. Un Un amour. amour. Donc oui, Prayers, oui. Oui, c'est vrai. J'avais oublié, désolé. Et si, sous Aldar, sinon, pour faire la tête. Tu vois de qui je parle? Ah oui, je vois bien, ouais. Un groupe de live. Voilà, je vous suis sur le live Un et. groupe de live, ouais, complètement. Et non, un groupe de merde. Guttalax, bien Par rapport sûr. au Guttalax, oui, tout à fait. Guttalax, bien sûr. Ouais, donc voilà. Très bien. Bon, et toi, Nico? Bah écoutez, Transitionne, je transitionne. donc moi forcément je vais commencer en vous parlant de Black Pile parce que je voulais parler de ce Voilà. groupe-là. Donc c'est des petits Français qui font un doom post-metal vraiment, enfin j'adore, Excellent. vraiment très très bon. Il y Tu veux dire un a... groupe qui a eu quatre immanquables chez nous? Ah Les oui! quatre ont dit immanquables. Ah Ah ça! ouais, les quatre l'ont eu. Groupe de la semaine. Bam. Ah bah, pour démarrer une journée, il n'y a pas mieux. C'est vrai, on est d'accord. Je vais forcément aussi parler de Cattle Decapitation, Évidemment. en Death Grind. Enfin, moi, c'est un groupe que j'adore. J'étais à deux doigts de le prendre comme mon groupe immanquable, mais je me suis dit qu'ils étaient déjà assez connus pour ne pas faire un gros focus dessus. Mais vraiment, s'il y a un groupe que je voudrais absolument voir sur la journée, c'est eux. Voilà, très clairement. J'ai cité tout à l'heure un peu Seatooth, je le pense toujours. T'as pas changé d'avis depuis tout à Non, l'heure, ça t'es va. sûr? Bah, je n'ai pas réécouté, donc tout va bien. Ok. Après, oui, Knock It Loose, j'ai bien envie de voir ça. Refuse pour la refaire, enfin pour la vu qu'ils vont arrêter. Pourquoi pas, c'est du hardcore que je peux apprécier. En main stage, je serais assez curieux de voir Lorna Shore, que j'ai jamais vu, mais pour le coup, j'aime bien leur musique, j'aime bien ce qu'ils font. J'en écoute pas tous les jours, mais je trouve ça assez sympa. Et C'est voilà. pas grave, Nico. Non, C'est pas mais il n'y grave. a pas de souci, il faut bien. Faut bien que certains aillent découvrir d'autres choses. Tout à Voilà. fait. Et Tu seras pas si. tout seul. Ah bah je me Tout seul. doute. Et si en Altar il y a quand même Unleash aussi qui est solide et qui va bien fonctionner. Voilà. Pour moi, c'est à peu près tout. Je sais pas si Jack, vu que tu avais une maxi liste, tu avais un ou deux à rajouter de tout ça. Non, bah, j'ai quand même orienté un petit peu donc vers ce que je voulais. Non, parce qu'il y en a toujours un ou deux qu'on peut rajouter. On peut toujours rajouter un petit guilt trip en Warzone qui fait bien son effet pour faire de la balle. Il y a quoi d'autre que j'avais vu Cemetery Girls, non? Pardon? Cemetery Attends. Girls. Oui, on pourra en toucher deux mots, mais après, tu vois, comme on a changé. Ça sert un petit peu pas. Voilà. Peut-être une. Alors. J'irai pas, mais je suis un peu quand même curieux de voir comment va se produire un Novelist sur une main stage. Voir la différence. J'aurais cette curiosité-là, maintenant qu'on l'a tous vu un peu dans une petite salle. Pas du tout en mode ils vont pas y arriver ou quoi que ce soit, mais plutôt la curiosité de voir ce que ça peut donner. Parce que je pense qu'ils vont quand même travailler leur show par de ce côté-là. Et si je mettrais aussi, bien sûr, une petite pièce, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'était au cas où ça allait sortir, mais sur Wall of Jericho. Hein. Qui est toujours une valeur sûre et qui n'est jamais décevant. Et donc là, en Warzone, ça va être Ben et grosse belle bagarre. Par contre, je suis assez curieux, Nico, parce que bon, alors, Bob, je sais, ils sont en contrebalance, mais toi, ce retour de Linkin Park. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, Linkin Park, pour contextualiser, c'est sûr et certain, c'est le groupe qui m'a fait rentrer dans, qui m'a fait rentrer dans le métal quand j'étais un peu plus jeune. J'avais déjà eu la chance de les voir à deux reprises pour leurs deux derniers albums. Une fois en salle, une fois en festival. Je t'avoue que le côté retour, pourquoi pas. Après, enfin, la chanteuse fait très bien son boulot et tout. Après, est-ce que j'ai encore envie d'aller les voir, de revoir ces les mêmes titres que j'ai déjà vus, mais avec Chester à l'époque au chant. Je suis pas sûr. Ou alors un petit peu par curiosité, tu vois, pour voir ce que à quel point ils arrivent encore à envoyer et comment ça a évolué. Mais je suis pas, tu vois, en train de me dire Linkin Park passe, je veux aller les voir parce que c'est Linkin Park et que je les ai adorés pendant des années, tu vois, voilà. Donc ouais, non, pas, tu vois, entre deux, pourquoi pas, oui, tu vois, je vois que c'est les derniers à jouer en fait. Knock It Loose Ouais, t'as finit à moyen minuit, de venir voilà. forcément, ouais, t'as Knock It moyen. finit à minuit, Linkin Park joue jusqu'à minuit et demi. Oui, aller y voir 30 minutes, manière de revoir quelques morceaux emblématiques du groupe, de me faire un petit avis sur ce que donne la chanteuse et le groupe en général, pourquoi pas, ouais. Mais voilà, pas. Depuis qu'ils se sont reformés, je suis pas des plus emballés. Mais ça a rien à voir avec mais ça a rien à voir avec les personnes. C'est juste que pour moi, il y a eu un peu une fin de groupe, en tout cas à mon goût, avec la mort de Chester Bennington, quoi. Ouais, je suis d'accord sur tout ce que tu dis. Moi, en fait, j'aurais un truc où. Moi, j'ai aussi beaucoup écouté les débuts de Linkin Park. Hein, ils ont fait un petit peu un début de changement d'orientation musicale où je me suis plus du tout retrouvé. Mais moi, j'aurais été plus curieux de voir le Linkin Park nouveau s'il ne faisait que les nouveaux titres, en fait. C'est un morceau, alors que c'est ça aussi qui fait venir les gens. Je trouve que la proposition avec la nouvelle chanteuse est assez forte pour se justifier, en fait, je trouve. Je trouve que ça marche bien. Elle amène quelque chose qui fonctionne, qui n'est pas du tout dans la copie de Chester. Je trouve qu'elle amène sa personnalité à elle. Et en fait, j'aurais trouvé ça potentiellement intéressant d'y aller que pour cette partie-là, en fait. Voir en fait, l'espèce de OK, Linkin Park revient sous une nouvelle forme. Et de voir avec justement cette chanteuse et voir ce que ça propose, mais qu'avec elle, en laissant tomber ce qu'il y a eu avant. Mais c'est impossible. Puis Et il y a c'est. certains titres, tu peux pas t'appeler Linkin Je suis Park d'accord. et ne pas les jouer en live. Non, bah après, Suis d'accord. pour aller plus loin, moi, j'aurais souhaité les voir revenir sous un autre nom, on va dire. Je suis d'accord avec ça Voilà. aussi, mais bien sûr, on sait tous pourquoi ils l'ont fait. Ça n'a. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ils remplissent des stades de France, tout Bien simplement. sûr. Très rapidement. Et voilà, et c'est normal, enfin, c'est logique qu'ils aient bénéficié du C'est. nom qu'ils ont bâti eux-mêmes. Oui, bah surtout oui. C'est pas Mike Shinoda n'est pas non plus la quatrième personne à avoir repris le groupe, donc ça va. Il est pas un voleur, quoi. Non, Ce côté. complètement. Complètement. Voilà. Écoutez. Les gars, merci beaucoup. Merci pour À toi. ces quatre vidéos. C'était bien sympa d'échanger autour de tout ça. Des super groupes encore cette année à aller écouter, voir, découvrir. Et tout ne se passe pas forcément en tête d'affiche des main stage. C'est aussi, enfin, c'est pour ça qu'on fait ça là depuis 2 ans, ces vidéos-là, et on espère que, comme l'an dernier, tu vois, avec Morne, qu'on arrivera à convaincre certains que ça vaut le coup d'aller voir. Tout à fait, c'est exactement. Et merci à toi, parce qu'il faut savoir qu'un RTH peut en cacher un autre. Les gens l'auront chez eux. Si vous ne l'avez pas, c'est parce qu'il y a RTH dans notre. Bon, bref. Merci les gars. Merci à toi, Nico. C'était très cool. Merci. Merci Nico.